Ilumba palo na feti yonde funaja. Yebisa bani katika biso zangin. Ose boya mo souvenir. Libanso ya bato ingo wa palo. Ilumba palo na feti yonde funaja. Yebisa bani katika biso zangin. Ose boya mo souvenir. Libanso ya bato ingo wa palo. Thank you.